Ne me dis pas non sans avoir de raison. Ne me dis pas non, ne me dis pas non. Alors que tes yeux désolés, embrasse-moi dans le temps perdu. Ne reviens jamais plus. Ne me dis pas non, le printemps nous attend. Ne me dis pas non, car c'est à 20 ans que l'amour fait des folies. Embrasse-moi dans le temps qui va, jamais ne reviendra. Oh yeah! Ne me dis pas non, tu fais trop de façons. Ne me dis pas non, ne me dis pas non. Quand ton corps tremble les mois et que dans mes bras tu te blottis en soupirant d'envie. Ne me dis pas non, ton cœur chante avec moi. Ne me dis pas non, ton cœur crie de joie. Tout contre le mien, chéri. Embrasse-moi dans le temps qui va, jamais ne reviendra. Embrasse-moi dans le temps qui va, jamais ne reviendra. Embrasse-moi dans le temps qui va, jamais ne reviendra.